Pas de virus, pas de bactéries, pas de toxines, on peut y aller. Label Rock. Deux heures de son pas comme les autres. Pop rock, électro, reggae, world. Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans l'émission Label Rock en cette semaine qui a débuté le 25 octobre. Beaucoup de choses prévues ce soir, on parlera évidemment de beaucoup d'annonces de concerts et puis comme d'habitude, pas mal de nouveautés dans ce programme musical mais aussi quelques petits coups de cœur, des classiques tout droit venus des vieux cartons de Label Rock. Allez, on commence avec de la pop hein, cette émission avec une nouveauté en provenance du Royaume-Uni, un groupe qui s'appelle The European, c'est un projet d'un artiste électro-londonien qui s'appelle Simon Breck. Simon Breck qui vient de sortir un nouvel album chez nos amis de Stolen Recordings. L'album s'appelle In a Very Real Sense Now et c'est une pure merveille d'électropop. La preuve en musique pour débuter Label Rock, deux heures de musique pas comme les autres. The European, ça s'appelle The Settler. Daddy was a hunter deep in the forest or diving for oysters. Now I am all grown up. I am the settler. Once I was a socialist, now I am the master. Born in a cowshed, brought up a bastard. I put my fingers in your mouth. I am the settler. I put my fingers in your mouth and hold you in my arms. I hold you in my arms. I'm standing. I'm standing on a rock at the boundary where the whole world can see me. Made you angry, but everything got personal, and everyone gets hungry. My way is the only way. I am the settler. My way is the only way. One day you'll understand. One day you'll understand. Excellente nouveauté sur le néanmoins excellent label anglais qui s'appelle Stolen Recordings. L'album, lui, s'appelle In a Very Real Sense Now. L'artiste, c'est Simon Breck, alias The European, pure merveille d'électropop. Hein, je vous disais, ce disque, toujours donc chez Stolen Recordings. Beaucoup de nouveautés au programme de cette émission ce soir, avec une autre nouveauté, tiens, qui est sortie le 27 septembre dernier. Retour en France sur un label de Bordeaux qui s'appelle Talitress, une nouveauté qui nous vient tout droit de Paris. En la personne de David Sanson et de son projet That Summer. Je vous rappelle que c'est un projet qui ne date pas d'hier puisqu'il a été créé dans les années 90 et que David Sanson n'est pas tout seul dans ce groupe puisqu'il est accompagné de Nicolu Joriot, Olivier Cavaillé et Étienne Bonhomme. Le nouvel album s'appelle Nermis et je vous rappelle encore une fois, l'artiste s'appelle That Summer. Label Rock.

écoutez comme chaque semaine le podcast de l'émission Label Rock, Sébastien Agas pour vous accompagner tout au long de ces deux heures avec à l'instant peut-être la révélation mancunienne de l'année en matière de musique. Ils s'appellent Egyptian Hip Hop, ils ont tout juste 17 ans et ils sont donc promis un bel avenir. Beaucoup d'entre vous, hein, auditeurs, se posent déjà cette question sur le net. Est-ce que c'est justement la révélation de Manchester pour 2010? C'est une question plus que légitime à mon avis, car il faut bien avouer que ce projet a de la gueule. Egyptian Hip Hop, c'était le tout premier single qu'ils ont sorti qui s'appelle Rad Pit. Je vous le disais en début d'émission, beaucoup, beaucoup de dates plutôt sympathiques dans la région Rhône-Alpes. Ça sera le cas notamment le 4 novembre du côté de l'épicerie moderne à Lyon-Fézin avec le concert de June et Lula. On s'en écoute un extrait et on revient juste après. June et Lula, donc dans la Belle Rock, ça s'appelle My Girl. I wanna talk to you about my girl, 'cause I love my girl. She's got a pretty, pretty face with lovely pale blue eyes, and she's got fleshy, fleshy lips, and when she's licking them, she makes me feel my girl. I wanna talk to you about my girl. I wanna talk to you about my girl, 'cause I love my girl. When I see her, all I want is to spend one night with her. So I try to imagine how I could get closer to her. I just have to think like all men do. I would make a drink, would make you look I wanna talk to you about my girl. I wanna talk to you about my girl. I wanna talk to you about my girl. I wanna talk to you about my girl, 'cause I love my girl. I would put her in my bed while she's unconscious. I would tear her clothes up and then bite her tits. Excited, I would open her long legs, curve it down until she says stop, oh, stop. Those are my fantasies when I'm looking at myself in the mirror. I wanna talk to you about myself. I wanna talk to you about myself. I wanna talk to you about myself. I wanna talk to you about myself, 'cause I love. My body's sensitive parts, and the only man who could take me on cloud nine is the one hidden in my mind. One day I'll join my reflection, ignoring the sharp pain of broken glass. I wanna talk to you about my girl. I wanna talk to you about my girl. I wanna talk to you about my girl. I wanna talk to you about my girl, 'cause I want my girl. Une dose de country, une dose de pop, une dose de blues et une dose de folk, telle est la recette de June et Lula, deux chanteuses françaises au son unique et entraînant, avec un premier album qui devrait sortir d'ici peu. Je vous disais, June et Lula en tournée en France avec quelques dates, donc le 4 novembre à l'épicerie moderne de Lyon, le 5 novembre à la salle Victoire 2, c'est du côté de Montpellier, le 6 au théâtre Lino Ventura de Nice, le 19 novembre ils feront la première partie de Murrayhead au festival festival jazz et blues à Ozoir-la-Ferrière, c'est dans le 77. Le 20 novembre, ils seront du côté de l'Ubu à Rennes. Le 25, au Brise-Glace d'Annecy. Et le 26 novembre, du côté de Mâcon, à la Cave à Musique. I'm crying forever. musiciens de Reims qui se font appeler The Bewitched Hands on the Top of Their Heads. On les avait découverts, on les avait applaudis du côté des Mardis du Grand Marais à Riorge. Souvenez-vous, c'était en janvier 2009. Extrait de leur premier album qui est sorti lundi dernier. L'album s'appelle Birds and Drums. Et là aussi, beaucoup de concerts puisqu'ils sont en tournée en France au mois d'octobre et au mois de novembre. On va se concentrer sur les dates de novembre. Avec pour commencer le 4 novembre du côté de Lyon, ils seront à La Marquise. Le 5, ils seront à Mulhouse au Noumatrouf. Le 6 novembre, ils seront du côté de Nancy à l'autre canal. Détour par la capitale française du côté de Paris au festival Les Inrocks. Ça sera le 8 novembre du côté du Zénith. Et ça continue comme ça jusqu'au 10 décembre. Je vous invite à aller visiter leur site MySpace, www.myspace.com/handsbewitch. Voilà, vous retrouvez évidemment le lien sur le blog de l'émission. Bewitch Hands on the Top of the Heads, ça s'appelait Hard to Cry. On continue avec une nouveauté parisienne et une des formations les plus envoûtantes de la nouvelle scène indie pop française. Le groupe s'appelle My Bee's Garden. Le disque vient de sortir, il s'appelle Hunt the Sleeper. 10 chansons pop servies par une production raffinée assez fascinante. La preuve en musique, ça s'appelle Favorite Lion. My Bee's Garden dans la Belle Rock. Baby, I want you to catch my love. Picking up for something. your cup of tea. Oh, what a mystery, and I did go to sleep alone. Nouveauté parisienne pour commencer avec l'album Hunt the Sleeper du groupe My Bees Garden. Je vous le disais, 10 chansons pop servies par une excellente production, assez fascinante et plutôt raffinée. Ce sont deux adjectifs qu'on pourrait utiliser aussi pour cette nouveauté qu'on vient de s'écouter à l'instant. C'est disponible chez Coopérative Music. L'artiste s'appelle Maximum Balloon. Le nom de l'album, c'est aussi Maximum Balloon. Tout ça pour vous dire que c'est le premier album solo de David Sitek, le producteur, compositeur et guitariste de TV on the Radio. Avec beaucoup de beau monde dessus, hein, puisqu'il y a des featuring vocaux de Kareno, des Ye Ye Yeez. On retrouve aussi des membres de Little Dragon, des membres de TV on the Radio. On trouve aussi Katrina Ford de Celebration, ainsi que le légendaire David Byrne des Talking Heads. Voilà, l'album donc s'appelle Maximum Balloon et c'est pareil pour le nom du groupe. Premier album donc solo de David Sitek, disponible depuis quelques semaines chez Coopérative Music. Et on continue ce programme Label Rock, on part direction la Suisse, retrouver un label qui s'appelle Poor Records avec un groupe qui s'appelle Luluxpo. C'est une reprise du célèbre Ford Mustang d'un certain Serge Gainsbourg. We'll be right back. Une reprise du célèbre Ford Mustang de Serge Gainsbourg, c'est sur le label suisse Paul Records, signé par Lulu et Pollux, alias Luluxpo, des Genevois qui sont sur le circuit électro depuis un bon moment déjà. Beaucoup de très bons remixes sur ce maxi, on notera le remix par exemple de Kid Chocolat, celui de Seal and Loft, celui de Floor de House qu'on s'est écouté. Voilà, Luluxpo Ford Mustang F2H Remix, c'était dans Label Rock. On va rester du côté de l'électro avec un excellent titre du berlinois Red Shape, je vous disais excellent, même énorme hein, pour moi personnellement, puisque c'est d'après moi une sorte de prolongement du Desire de Carl Craig, c'est peu dire. Franchement, j'adore. L'album s'appelle The Dance Paradox, l'artiste s'appelle Red Shape, c'est sur le label Delsin Records. De l'excellente techno qui prouve une fois de plus que Berlin, c'est vraiment l'endroit où ça se passe. Label Rock. label rock. un futur classique de l'électro pour commencer avec Red Shape. Il est berlinois, il enregistre sur le label Delsin Records. L'album s'appelle The Dance Paradox, excellente techno. Et puis à l'instant, un album disponible chez DFA Coopérative Music, l'album d'un des deux créateurs du fameux label électro, donc DFA Records. Et une fois n'est pas coutume, ce n'est pas de Brooklyn ou de Manhattan qui est originaire ce fleuron caché de l'écurie DFA, mais de Dublin en Europe. Il s'appelle Sheet Robo, son vrai nom c'est Marcus Lamkin, et il est l'un des piliers historiques du label puisqu'il a contribué à fonder ce label donc aux côtés de James Murphy. C'est donc pas un hasard hein, si on retrouve toute la tribu DFA sur ce disque, de Juan McLean jusqu'à Alexis Tyler des Hot Chip, en passant bien évidemment par Monsieur Murphy lui-même. Sheet Robo, donc l'album s'appelle From the Cradle to the Rave, et nous on s'est écouté un extrait qui s'appelait Triumph. Label Rock. Retour en France maintenant dans Label Rock, on retrouve tout de suite les Adam Kescher. Thank you. 1905, ils se font appeler Adam Kescher, Julien Pérez, Gaëtan Didelot, Yann Stoffer, Mathieu Beck et Pierrick Devin. Ces 5 parisiens qui viennent de sortir sur le label Les Disques Primeurs leur nouvel album. L'album s'appelle Challenging Nature. Ils seront en concert, si vous aimez ce genre de son, le 6 novembre du côté de l'Antipode à Rennes, le 10 novembre au Poste à Galènes de Marseille, le 12 novembre dans le cadre des Nuits Zébrées à la coopérative de Metz et du côté de Clermont-Ferrand, le 26 novembre au Hublot de Nancy, le 27 à la Laiterie de Strasbourg et le 1er décembre au 106 de Rouen. Adam Kescher, donc je vous rappelle, l'album s'appelle Challenging Nature. Retour aux voix féminines maintenant dans la Belle Rock avec la très belle Séraphine Astier. Motion, pictures, crowds, trip up, shishin, sit down. Tiny lights, tiny cities, put a bit in the film. See how good it is. Me and the girls are still up. Not make a movie. Big screen fades, sure it's a long life. I was faded out unfeasibly fast. See how I age. See how I age. Me and the girls are still up. Not make a movie great. That would not set the record straight. These are not my best intentions. That would not make you wait, wait, wait around for me. Du nouvel et deuxième album sur le label Static Caravan, Séraphine Astier. L'album s'appelle Change is Good, Change is Good, et franchement j'adore. Puisqu'on parle de filles, on va retrouver un de mes titres préférés de l'an dernier, qui avait d'ailleurs fait le best-of de Label Rock, c'était en décembre 2009. Alors le groupe s'appelle Girls, aucune fille pourtant, c'est un duo californien. L'album s'appelle The Album, tout simplement, disponible depuis donc l'an dernier chez Piass. C'est un petit peu le classique de cette semaine. Girls, L All Rat Race. I'm sick and tired of the way that I feel. I'm always dreaming and it's never for real. I'm all alone with my deep thoughts. I'm all alone with my heartache and my good intentions. I want to eat and drink, to sleep, just to live. Feels like I'm never getting back what I give. I got a sad song in my sweet heart, and all I really ever need is some love and attention. And I don't wanna cry. My whole life through I wanna do some laughing too. So I don't wanna die Je vous le disais, un de mes titres préférés de l'année 2009. Excellent album, excellent single, le duo californien Girls. L'album s'appelle tout simplement The Album. Allez, on laisse tomber la guitare, on part du côté du reggae, retrouver une véritable légende du reggae jamaïcain. Pablo Moses, de son vrai nom, Pablo Henry, chanteur de reggae jamaïcain encore en activité. Il s'est fait connaître notamment en 1975 avec un album qui s'appelait Revolutionary Dream, qui était enregistré au Black Ark de Lee Perry, ce fameux studio que Lee Perry avait cramé, souvenez-vous. Depuis cette époque, donc en 1975, Pablo Moses, qui n'a cessé de travailler avec divers producteurs, je crois qu'il a sorti plus d'une dizaine d'albums. Et en 2010, la légende jamaïcaine ne s'essouffle pas, car non seulement il y a son dernier album qui s'appelle The Rebirth qui est sorti, mais sans oublier bien évidemment les rééditions de deux de ses plus fameux albums, Revolutionary Dream, je vous en parlais il y a quelques secondes, et aussi l'album A Song, The Rebirth. Donc on va s'en écouter un extrait, c'est le nouvel album, plus de 15 ans après son dernier disque studio inédit. C'est disponible sur le label Grounded Music, et on s'écoute un extrait qui s'appelle Don't Drop Out. Nobody cop out, don't drop out. Nobody cop out, don't drop out. Nobody cop out, don't drop out. Nobody cop out, don't drop out. Seek and be wise. Better days on the rise. Fog is about to clear. Don't give up in despair. We have come a long way, past the worst of days. Complete your mission, I say. Capture your visions, day by day. Nobody cop out, don't drop out. Nobody cop out, don't drop out. Nobody cop out, don't drop out. Nobody cop out, don't drop out. Light at the end of the tunnel. Fight and work well. Don't let your hopes vanish. Pursue from start to finish. Malcolm X, Marcus Garvey, C.V. Martin Luther King died for us to be free. Don't be a victim of the system. Seek and be wise. Better days on the rise. Fog is about to clear. Don't give up in despair. You have come a long way. Past the worst of days. Complete your mission, I say. Capture your visions, day by day. Nobody cop out, don't drop out. Nobody cop out, don't drop out. Nobody cop out, don't drop out. Nobody cop out, don't drop out. Seek and be wise. Better days on the rise. Fog is about to clear. Don't give up in despair. Nobody cop out, don't drop out. Nobody cop out, don't drop out. Nobody cop out, don't drop out. Nobody cop out, don't drop out. Light at the end of the tunnel. Fight and work well. Don't let your hopes vanish. Pursue from start to finish. Nobody cop out, don't drop out. Plus de 15 ans après son dernier disque studio inédit, nouveauté donc pour Pablo Moses. L'album s'appelle The Rebirth, c'est disponible sur le label Grounded Music. On retrouve hein, sur ce disque certains de ses vieux complices musiciens jamaïcains qui ont peut-être écrit les plus belles pages de la musique jamaïcaine, notamment le duo Sly Dunbar et Robbie Shakespeare qui, pour la petite anecdote, hein, selon les spécialistes, ont joué sur plus de 50 000 morceaux. Voilà, Pablo Moses donc, l'album s'appelle de Rebirth. On reste dans la musique dite du monde et on part du côté du Cuba. When the truth is found to be light, all the joy within you dies. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody? Version afro-cubaine signée Rhythm del Mundo avec aux vocaux Katie Tunstall, Somebody to Love. C'est juste une des reprises que vous retrouverez sur ce nouvel album paru chez Transmission Recordings le 9 septembre dernier. Donc l'album s'appelle Rhythm del Mundo Revival. Dessus vous retrouverez Wycliffe Jean, vous retrouverez aussi Coldplay, Gorillaz, Bob Dylan, mais aussi les membres du Buena Vista Social Club. Tout ça pour une bonne cause puisque tous les bénéfices sont reversés à des associations caritatives qui viennent en aide aux sinistrés d'Haïti, du Tibet et du Chili. Et dans la Belle Rock, on adore les reprises. Et après la reprise de Somebody to Love, une autre reprise, celle de New Order, Blue Monday, revisitée par une véritable légende de la musique jamaïcaine, et ceci depuis plus de 60 ans. On les appelle les maîtres du manteau. Ils s'appellent The Jolly Boys, de retour en 2010 avec un nouvel album qui s'appelle Great Expectation. Upon me and tell me who you are. thought I was mistaken. I thought I heard your words. Tell me, how do I feel? Tell me now, how do I feel? Those who came before me lived throughout their vocations. From the past until completion, they'll turn away no more. And I still find it so hard to say what I need to say. But I am quite sure that you will tell me just how I should feel today, yeah. A ship in the harbor, I can and shall obey. But if it wasn't for your misfortune, I'd be a heavenly person today. I thought I was mistaken. I thought I heard you speak. Tell me, how do I feel? Tell me now, how should I feel? Assez surprenante de Blue Monday des New Order, signée par The Jolly Boys, des vétérans de la scène jamaïcaine. Je vous le disais, ils ont inventé le mento, style musical jamaïcain qui est apparu bien avant le ska, le rocksteady et le reggae. Beaucoup de reprises, que des reprises en fait, hein, sur ce nouvel album qui s'appelle Great Expectation. Des reprises donc de New Order à l'instant, d'Iggy Pop, des Rolling Stones, des Doors, de Lou Reed et d'Amy Winehouse. Retour maintenant à la guitare, retour aux annonces de concerts avec un groupe qui sera du côté du Phil à Saint-Étienne le 24 novembre. Ils viennent de Hollande, ils s'appellent The X, ils viennent de sortir un nouvel album qui s'appelle Catch a Shoe. On s'en écoute un extrait. Everything is finished here, forever I am done, he said. I quit, I'm through with all of this, I'm up and far away. What if I had an accident? Everyone would focus on my well-being for today. Forget all I've done wrong. Size. He's building a statue big enough to hide him. What? town and get rid of his uniform. He was used to saying yes when everyone said no. Well, what are people used to pay for 24 crucial mistakes? Trouble of a high degree with all that he could sell. What's my show? un extrait du nouvel album Catch a Shoe des Hollandais de The X, premier album studio depuis 2004 et surtout premier album avec le nouveau chanteur Arnold De Boer, album enregistré du côté de Chicago par le vétéran Steve Albini. Pour la petite anecdote, sachez que c'est tout de même le 25e album du groupe en 35 ans de carrière. Bref, un groupe culte que vous pourrez d'ailleurs applaudir sur scène car ils seront en tournée en novembre en France avec pour commencer le 16 novembre à Paris au Café de la Danse, le 17 à Nantes à l'Université, le 18 novembre du côté du Krakatoa de Bordeaux, le 19 à la Centrifugeuse de Pau, le 20 novembre à Toulouse à la Dynamo, le 21 à Gignac à l'Office Culturel, le 22 au Poste à Galène de Marseille, le 23 à la Bobine de Grenoble, le 24 novembre au Fil de Saint-Étienne, le 25 novembre à la Tannerie de Bourg-en-Bresse, le 27 au Cabaret Électrique du Havre et pour terminer cette mini tournée française, le 28 novembre du côté de l'aéronef de Lille. I'm gonna go get some more. Vous écoutez comme chaque semaine le podcast de l'émission Label Rock avec des petits morceaux qui tâchent comme ça. Slide Bells pour commencer, Straight Haze, ils viennent de Brooklyn à New York, ils cartonnent en ce moment. Premier album qui est sorti le 11 octobre dernier, l'album s'appelle Treats. Et puis à l'instant, un extrait du nouvel album des rockers japonais Boningen. C'est disponible sur le label Stolen Recordings. Au programme, vous l'aurez compris, du krautrock, du metal, du hardcore et aussi du funk. Voilà, Boningen, ça s'appelait Maguro. On reste dans le rock bien lourd, la power pop des Anglais, Dinosaur Pileup, tout premier album pour eux. C'est un groupe anglais que je vous ai fait découvrir, souvenez-vous, c'était en 2007. L'album s'appelle Growing Pains, un extrait, ça s'appelle Birds and Planes. This morning my best friend came home and told me everything has changed. It's not the same and nothing is for sure, you know, except the day you go to hell and the turning head. Ask the sky to suck me up one day. I'd make friends with the birds and planes. I'd be no more alone up there than I am down here. Days when I could sleep forever and infinite. I did not know any better. Nothing is for sure, you know, except the day you go to hell. The turning hands of time. Maybe I should. Back to you. I found a need. le rock indé à l'honneur dans Label Rock avec un extrait du premier album des Dinosaur Pile Up. Et puis à l'instant, ils viennent du Chili. Je les trouve fantastiques. Ils s'appellent Panico. Nouvel album chez Tiger Sushi disponible depuis fin septembre. L'album s'intitule Kick. Si vous êtes du côté de Lorient le 13 novembre, allez les applaudir. Ils seront au festival Indiscipline. On va laisser le Chili, on laisse l'Angleterre, on laisse la France, on part du côté de la Belgique. Retrouver des Belges qui sortent un album mi-novembre. C'est une autoproduction signée Benoît Richard, Julien Douany, Nils Méchin et Marco Siré. Ils viennent donc de Bruxelles, je vous l'ai dit. Et tout comme cette magnifique ville belge, le groupe se veut lui aussi cosmopolite, puisque, écoutez bien, le batteur est sicilien, le trompettiste suédois, le bassiste et le chanteur-guitariste, ils sont français. Accompagné bien évidemment pour l'élaboration de ce premier album par des potes musiciens belges. L'album est distribué par La Baleine, le groupe qui sera en tournée en France en novembre. Je ne manquerai pas de vous donner quelques dates. En attendant, il s'appelle Sue Ellen et on s'en écoute un extrait qui s'appelle This House. Label rock. Électriquement. Très satisfaisant. L'émission Label Rock qui touche bientôt à sa fin et quelques petits morceaux de rock comme ça, quelques nouveautés, une autoproduction tiens signée par les Belges de Sous Hélène pour commencer. Et puis à l'instant mon groupe préféré du moment qui s'appelle The Neat. Ils sont tout jeunes, ils sont 4 et ils se font appeler donc The Neat, N-E-A-T. Ils enregistrent sur le label Chewing Gum Records et c'est leur deuxième single qui s'appelle In Youth Is Pleasure. Je vous le disais donc, c'est quasi la fin de Label Rock. Juste le temps de retrouver deux petites pépites. La première signée par une jeune et talentueuse Nika Rosa Danilova. C'est une américaine qui officie sous le nom de scène de Zola Jesus. Elle est, on est en train de la comparer à la grande Susie des Susie and the Banshees. Souvenez-vous, c'était dans les années 80 et 90. Elle n'a que 21 ans, mais pourtant elle possède déjà une expérience musicale importante avec des années d'études d'opéra. L'album, lui, est sorti le 6 septembre dernier sur le label Souterrain Transmission. Il s'appelle Strudelum 2. On s'en écoute un extrait, ça s'appelle Poor Animal. Zola Jesus pour quasi terminer cette émission. Je vous rappelle, l'album est disponible. L'album s'appelle Studulum Number 2. On va se quitter, on va se retrouver la semaine prochaine sur le net dans l'émission Label Rock avec encore beaucoup d'annonces de très bons concerts et aussi beaucoup de nouveautés. On se quitte cette semaine avec un extrait du dernier album d'Anthony and the Johnson. Je vous rappelle, l'album est disponible chez Rough Trade, distribué en France par Beggars Banquet. Il s'appelle Swan Lights et c'est peut-être le titre le plus beau de cette année. Ça s'appelle Thank You for Your Love. Anthony and the Johnson, donc, pour terminer Label Rock. Je vous dis, soyez sages, mais pas trop, et surtout, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Oh, thank you for your love. Thank you for your love. When I was falling in the seizure of pain. Label Rock, deux heures de son pas comme les autres.